Ils nous avaient barré la route partout. Ils avaient barré tous les accès. Les gens venaient de partout. Saint-Denis, Gennevilliers, Colombes. Les frères sont venus de partout. Tu prenais l'autobus, ils t'emmenaient à la police. Tu prenais un taxi, ils t'emmenaient à la police. Tu n'allais nulle part. Ils avaient fermé le métro, alors que les frères étaient déjà à l'intérieur. Les gens revenaient de Pleyel. Ils nous disaient de ne pas y aller, car le métro était fermé. Que c'était le chaos. Comment on fait ? Fallait qu'on y aille. Nous avons pris le bus 159 pour se rendre au pont de Neuilly. Mais le bus, plus il avançait, plus les gens montaient, donc il n'y avait plus de place. Et il était bourré, il était plein. À un moment donné, on est descendu. On est descendu du bus et on a continué à pied. Puis même le bus ne pouvait plus avancer parce qu'il y avait une foule immense. Même le bus n'aurait pas pu passer. Donc on a suivi la foule comme ça. Ici le commissaire principal Médière. J'ai installé au pont de Neuilly la section de force de police auxiliaire avec 22 de mes hommes. Nous avons déjà appréhendé 500 Algériens qui ont été dirigés sur le commissariat de Puteaux. Depuis 20 heures, le nombre d'Algériens ne cesse de croître. Les effectifs sont entrés en contact avec 1000 manifestants environ qui descendaient l'avenue du général de Gaulle. Ils ont été dispersés à coups de bidule. Un peu plus tard, une deuxième vague a emprunté la contre-allée. Elle a été refoulée. Ils ont laissé sur place de nombreux blessés. Nous sommes débordés, il me faut des renforts. Terminé. Bien reçu. On vous envoie une section de la 22e compagnie d'intervention et des quarts de police secours.